En Corée du Sud, le comité de mesure d'urgence pour la défense du lieu saint Songju du bouddhisme orthodoxe a organisé le discours un meeting de la journée de l'action du bouddhisme orthodoxe devant le siège du ministère de la Défense pour réclamer l'annulation complète de la décision de disposition de SAD, d'après le journal d'internet sud-coréen Tongnews.